Thank you. Thank you.

Thank you. C'est le bordel pour Jésus. Thank you. Eu sou assim, oh Peter. Des gros soucis aujourd'hui, hein, c'est pas possible. Alors, est-ce que vous avez des gros soucis aussi? Vous pouvez me répondre sur le chat s'il vous plaît, parce que je ne peux pas écrire sur le chat. Ça c'est tout bloqué, ça c'est tout effacé. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Petits accords faciles. Qui fait n'importe quoi, désolé. Thank you. colle et vers qui. Bordel. Allez toi, à toi Géo. Ce soir c'est le bordel. À toi Géo. À toi. Ce soir c'est le bordel. Je n'ai pas que des problèmes de micro. ce soir. Ça ressemble à quelque chose. Indochine en été français. Problème de connexion. Et moi, ça ne fait que déconnecter. Et moi, ça ne fait que déconnecter. Moi aussi, putain, c'est le bordel ce soir. Waouh, c'est vraiment le bordel. Encore un orage chez toi. Non, ça, ouais, ça, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu fais ça là? Il y a de l'électricité. Il y a de l'électricité dans l'air. Il y a de l'électricité. Il y a un problème. Il y a de l'électricité un, dans l'air. 1, 2, 3, 4. Encore un jour dans ma vie où je n'ai. Encore un lundi. Y'a un problème. Mardi céleste au Manoué. À rester enfermé et à marcher au pas. Je sais même pas qu'on s'achante. Quand je suis cerné, je rêve d'un été français, un été parfait où rien ne pourra m'arriver. Pardonne-moi. Devient froid national, un pays infernal, à nous la petite mort. Bon, j'y vais, bye. Bye.